Je peux dire adieu au mal, c'est ton bébé. Tu m'as donné, tu peux faire de l'eau dans les c'est donné. Tu veux le reprendre, j'ai fait du jus, champion des cadeaux. J'ai jamais fait d'aïkido, mais viens me chercher, ouais, je te ferai pas de cadeau. Mais tu sais quoi, moi je préfère les potes avec des gars qui vont à pas de basket morte qu'avec ceux qui conduisent des 4x4 podcast propre. Moi ce que j'aime, c'est kiffer mes potes me mettent bien. Moi ce que j'aime, c'est kiffer mes potes me mettent bien. peut-être que tu vaux rien. De go qui lance des regards, venu me poser un trop. Qui voudront ma place, ta meuf, un palace du fric. Avec une place dans chaque teuf, on a beaucoup trop. Qui croit pouvoir m'avoir, mais ces connards se foient. Ils savent même pas que c'est moi qui tiens la barre. Allez, barre-toi, je me marque, tu fais la tronche. Tu coules dans la merde, froid, bah moi je fais la tranche. Et la maîtrise, je l'ai, la méthode, je l'ai. Suffit que je crie freeze, vous restez con. Je l'ai le niveau, je l'ai le cerveau, je l'ai. Les MC sont des vols, ne font que t'éter. Je l'ai nourri de mon son, comme une putain de vache à lait. Produit du terroir, la qualité, je l'ai nourri. Je compte du tas, je prends les bides au ballon. Celui du son qui dépend, mal se garde. Je te promets, c'est trop bon. Pareil que l'entendre prêcher, c'est comme piocher des bonbons. Que quand tu rappes, ça fait chanter les abeilles. Marrer les oiseaux, ça redonne des couleurs aux arcs-en-ciel. J'ai entendu dire que c'était le chouchou d'Obama. Qui t'a les menhirs, qui l'avait même connu Oussama. Y'a peut-être du faux dans tout ça. Swag day, c'est comme un rack, t'es fait ha ha ha télé. J'aime pas les hypocrites, c'est pour ça que j'ai pas de télé. Et c'est was wack, mais les scénar wacks fêlé. Un jour pelé m'a dit, t'es tout le temps triste, oh. C'est pas que je suis triste, mais t'es là juste que la vie me brise trop. Et je crise trop. Regarde ce que tu fais quand tu tises trop. Tu fais mal quand je pisse et je veux retourner le bistrot. Quand je me dis, travaille en diction. Toi t'es distrait, t'es distraité par l'aliénation. J'ai mes convictions sur la démocratie.

Elias et Belias, mais c'est encore trop au lieu de plus. Tu perds pas ma façon, je terrorise, terrorise, ramasse tes oreilles. Les rimes, noircis les pages de cahier. Le temps, c'est de l'argent. Un jour, ça va payer. On veut tous plus. C'est la nature humaine. Chacun son thème. Plus d'amour, plus de haine. Y'en a qui veulent plus de billets. N'auront que plus de problèmes si tu attends plus de respect de ma part. Pas de veine, car je lâche rien. Et j'en veux plus que toi. Je préfère te laisser en chien que te lâcher mon petit doigt. Thank you. au pire. J'suis un lion, pas un chat. Si tu me waf, moi j'te bute. J'suis qu'un oreille monnette, pendant ce phonème au maître. Et en miette, j'quitte des sons, ça fait sans âge. Et puis je repars aussi sec. Après un litre de pastis que t'as bu sans eau et cul-sec. Tu sais que je traîne avec des gars plutôt foulés que fake que fuck. Tu voulais nous péter les steaks, mais bellec. Le bon mic t'électrise, le hobby t'as pas trop de maîtrise. Te méprise, tu cries quand je te vexe. Mais please, be the pity positive. Pas qu'à la vie, y'a de l'espoir et l'espoir fait vivre. Le serpent se mord la queue, il trouve du plaisir. Il serait peut-être temps pour toi, mon vieux, et tes coups de périr. Écoute le délire, next level dans l'année 1000. Je suis tellement loin. Comme vrai, je sais plus ce que je voulais dire, mais c'est pas grave, pas de problème. Je continue quand même. Tes formules et mots, histoire que colle à mes phonèmes. Quand je suis sur scène, bonne vie, pas sur jamais. Ainsi qu'un peu de weed en général caché dans mes veines. Ou dans le speed que j'ai au bec, car je m'en balèque. C'est Bilbo Mike et c'est pour tous les gars et tous les mecs. Et puis je ferme ma gueule pour rester correct et m'enfuis sur un clin d'œil. Quand il est temps que je m'éjecte la salle.